Voilà, on part en voyage, on part à la rencontre des gens du voyage, des gitans, comme on dit. Enfin, ils ont plein de noms, ça dépend où on se trouve sur la Terre. Mais en tout cas, ces gens qui sont nomades à la base, qui voyagent en roulotte, hein, c'est l'image ancienne qu'on a d'eux. Maintenant, c'est plutôt des caravanes. Maintenant, ils sont plutôt sédentaires. Mais quand on fait une recherche, quand on va un petit peu dans les livres pour savoir d'où vient ce peuple, ces peuples, eh bien, on dit que l'origine, c'est l'Inde. Ils viennent tous du Rajasthan. On est allé au Rajasthan rencontrer, c'est du pur hasard, ça s'est fait comme ça. Donc, on n'était pas vraiment à la recherche d'eux. Ça s'est mis sur le chemin. De rencontrer une tribu des gens du voyage. Et donc, nous leur posons évidemment plusieurs questions, puisque ce serait à partir du Rajasthan que tout a commencé, que tout ce grand voyage à travers le monde a commencé. Rencontre en collaboration avec Noémie. En collaboration avec Anouk, en collaboration avec Margot. Say like this, one Brahma, like to Mahara, like you know, to one sadhu guys. One sadhu guy have to two chela, like you know, two chela, two guys. Then one guy go to desert, bring to skill to someone animals and he bring it, dead body. And one guy bring like to food. Then one guy bring food, this are going Il explique to que, d'après monsieur, bring, like, qui connaît body, bien l'histoire avec ses 80 ans, guy, il dit que, au niveau de la naissance des gitans et au niveau de la raison pour laquelle ils se sont éparpillés, il y a une histoire qu'on raconte, comme quoi, à un moment donné, un homme avait deux fils. Le premier a choisi d'aller chercher directement de la nourriture. Et un autre a cherché un animal mort. Et celui qui a cherché l'animal mort a fondé la caste des gitans progressivement, qui depuis toujours se sont nourris d'animaux morts. Et donc dans les villages, venaient demander s'il n'y avait pas des animaux morts pour les prendre et pour les manger. Que ça a été depuis toujours ça leur spécialité, si tu veux, puisque les castes s'identifient par une action, un métier, quoi, si tu veux. Ça a toujours été ça leur spécialité. Et comme ça ne suffit pas, il a toujours fallu suppléer en mendiant et en bougeant régulièrement de village. Et voilà, donc depuis toujours, par leur pauvreté, les gitans ont été amenés à devoir subvenir à leurs besoins de cette façon-là, quoi. And he wants something like this, but always he asking the beggaring. But his caste not very rich, he's really poor. And then people want to get something to food and everything. That's why people live, every village have to like families. Some families, 20 families will live all of villages. People are gift everything from the dead people, and he can eat and live to like that ones. Somebody are working with farming now, somebody are working with animals, somebody are clean up to street, up to city, village. A house, everyone, he live like that life. Ok, on va essayer un peu de situer, on peut un peu expliquer comment il se voit sur la carte du monde parce qu'on se retrouve en Inde, au Rajasthan. Est-ce que lui peut essayer de dire où on est ici? D'ailleurs, parce que explique-lui, la radio on voit pas, donc qu'il nous donne un petit point de vue et qu'il essaye de faire des phrases très courtes, pas longues, parce que sinon on se perd, quoi. Ouais. Stop. But this is now Jaisalmer area. Near up to Jaisalmer, 15 kilometers. This village named Kahala. Kahala. That is, people are live here. Now people are live that Sipsi family. Donc il dit qu'on est ici à 25 kilomètres de Jaisalmer, dans le Rajasthan, dans un village. Rana. The name of the village is Kahala. Kahala, dans le village de Kahala. Et à l'intérieur de ce village, the name you say? Rananath. Dans l'entité de Rananath. Que cette famille de gitans qui habitent ici, ça fait 20 ans seulement qu'ils sont établis dans la région de manière sédentaire, parce qu'avant, effectivement, les gitans avaient tendance à bouger tout le temps, mais maintenant, ils ont plutôt tendance à s'établir dans des endroits à y rester, quoi. Et voilà, on est dans le désert du Thar aussi. Alors là, ça se voit pas, mais il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 personnes autour de nous. Il y a des enfants. Ah voilà, c'est la famille de... Another children. He have two big family, like whole family from this guys from Ronanath. He's on like grandfather from that family. But is like also. Donc le nom du petit village Rana vient en fait de ce monsieur qui est le fondateur de cette famille. He have two seven qui a sept fils. J'ai pas compris s'il avait des filles, mais en tout cas il a sept fils. Et toutes les personnes qu'on voit ici sont sa descendance. Et les gitans vivent en famille, c'est-à-dire que même si quelqu'un se marie, la personne qui se marie se rattache à la lignée paternelle de la famille et ils viennent tous vivre ensemble dans un village. Quoi. Ok, est-ce que tu peux demander qu'on, enfin, s'ils veulent bien, hein, qu'ils disent tous leur prénom, comme ça on entend leur voix. Comme ça. Non, c'est ça. Non. Graciela, yeah? Noemi, Margot, Anouk. Ok. Et c'est marrant parce que en fait, tu peux dire moi, je suis aussi une originaire. Aussi une gitane, quoi. Hein. Et moi, dans mon histoire, ce qu'on m'a raconté, c'est que les gens du voyage, c'est comme ça aussi, les gens du voyage, ils ont tous un outil en main et des fois, c'est souvent aussi musical, ça répare les couteaux, ça. Enfin, voilà. Est-ce que c'est. Ok. Can you explain them that Graziella, father and mother, are gypsies? I can explain it. Okay. And she heard about gypsies because she's from family of gypsies, that gypsies have all the time something in the end. Yeah. I mean a work in the end, like music or like with the knife when you have to... Montreur d'ours aussi. And can you explain the different works are doing here the gypsies? Yeah. Il dit que lui, quand il était jeune, il était très bon joueur de flûte, mais que maintenant, il est devenu, il a moins de souffle, donc il a arrêté de faire de la flûte. Donc c'est vrai que beaucoup de gens ici sont musiciens. Les autres métiers qu'ils pratiquent aussi en général, c'est de travailler dans les fermes des environs ou aussi le travail de la pierre. Et qui lui a appris à jouer de la flûte? Je suppose que c'est son père à lui aussi. How do you learn to play flute? He learning with his father. He said before his father are maker from two like instrument. He make by from the wood and he make the hole. He make from the himself. But now he say before I know very well to making, but now I going to old and I have to lost something and you know I don't do any more like this. But I may he have to very old instrument and then he's playing his son. Donc c'est son père qui lui a appris à faire de la flûte. C'est son père aussi qui a taillé la flûte. Donc il a ce très vieil instrument dans sa maison, mais comme il l'a déjà dit, il n'en joue plus parce qu'il est devenu trop vieux. Et c'est pas ses petits enfants, il y a pas la relève de cette vieille flûte. There is not another one playing your flute now. But now his son. Ah, maintenant son fils joue la flûte. Voilà. Okay. But not everybody, but instrument very hard instrument, you know, learning very hard. But some people have the good mind, people are to learning from their things. Il dit que c'est un instrument très difficile la flûte et que tout le monde n'y arrive pas non plus parce qu'il faut déjà avoir une bonne tête pour le faire. Okay. But still somebody have to married or somebody have to party. And even people are go there and people are make the flute and everything and going to girl will go somewhere dance or like that things. Il dit que c'est surtout aussi pendant les mariages qu'on joue les instruments pour faire marier, danser les mariés et les invités. J'ai encore une question. Comment sont vus les gypsies ici? Comment ils se sentent eux vus par les autres? The question is, how do you feel gypsies now here? How people are looking the gypsies? What's the fame of the gypsies here in India? What they feel with this fame? And can you explain about it? Yeah. एक एक है थर जाति है जो कि थर जाति में थे ये मंग थर जाति में हम खुश हो कौन ही खुश थर जाति में हम खुश हैं जो हरी के आप नियति में हरी के आप रहो आप आपने जो नियति में खुश हैं बाबूजी we give to long times good but I will really happy from that cast I hope to really this is good I will happy from that cast and people are respect for us to hear people not any problem with us and something very good I really happy from that our cast il dit qu'il est très content de d'être faire partie de cette caste de gitans qu'il y a pas de problème qu'il sent que les gens ne sont pas contraires et qu'il y a des bonnes relations avec les autres another caste warrior people or any caste people are help to bet that people are never any problem that people you know not beat no any trunks that people are really happy people say I really happy with your every people ils sont pas de problème quoi qu'ils sont contents et que ça se passe bien. Je peux dire, de partout dans le monde, en fait, les gypsies sont très mal vus. C'est toujours des gens sales, qui volent. Voilà, depuis la nuit des temps, on raconte ça aussi, que les gitans sont des voleurs d'enfants. Fais gaffe de bien traduire aussi que on dit, ce n'est pas comme ça, mais on dit qu'il y a plein de fantasmes sur les gens du voyage et plutôt négatifs. Because in Belgium, in France, the country where we are, in Europe, the gypsies have bad fame. Bad fame. Bad fame. Yeah, we don't think that, huh? It's not the idea we have, huh? Yeah. Tell good to him that it's not the idea we have. But they say that they're robber, they go to take the kitchen of the other, they take the children of the other, no, something like that. In India, there is also this problem? No. These people are just want to beggaring, but otherwise not stroller, nothing. Gypsy people are really kind people, really are really nice people. When you are respect anything, people are really helpful people. You can say, come to our home, you can clean. That's very honest people and live here, gypsies. Donc ici, il dit que non, ils n'ont pas la réputation d'être des gens malhonnêtes ou des voleurs. D'ailleurs, c'est plutôt des gens travailleurs et honnêtes. C'est plutôt ça leur réputation. Mais par contre, comme ils font partie d'une caste d'intouchables, dans certains cas, il y a des préjugés qui sont liés à tous les intouchables, du genre, ils ne peuvent pas rentrer dans la cuisine. Mais que lui, par exemple, il laisse rentrer les gitans dans la cuisine parce que les temps évoluent aussi et changent. Mais que, oui, c'est vrai que les intouchables, quand même, toutes les castes intouchables sont considérées comme impures, etc., hein, inférieures par les castes supérieures. Quoi, mais ça dépend un petit peu comment on applique ou pas ces vieilles catégories à la lettre. Voilà. And what's the religion of gypsies? Religions. Yeah. Religions. Dharam taro Hindu dharam je. Hindu dharam. Hindu. Hinduism. This religion from the Hinduism. People are get like married, everything like the Indian style get to married everything. People are moved like everything like no any like Muslim religions. Hindu religion. And people have to every gypsy people have to dog also like. Ils sont hindous mais ils ne sont pas végétariens. D'ailleurs, ils ont beaucoup de chiens de chasse et leur spécialité c'est d'aller chercher un petit renard ou l'autre dans le désert pour le manger. Donc ça c'est leur particularité, c'est de ne pas être végétarien. And also gypsy people are good help to people have to any problem like to any home have to come in a cobra or like that things. Un des boulots aussi des gitans, c'est par rapport au cobra qui pourrait se trouver dans une maison par exemple. Eh bien, on fait appel à un gitan et grâce à la façon dont il joue de la flûte, il peut arriver à amadouer le cobra et à le faire sortir de la maison. Donc souvent les gens les appellent pour ça et leur donnent de l'argent pour ça. Somebody are really nice to mantra, you know. Good mantra people. So he make the good mantra. People have to any problem or anything. People are coming there and he make the good mantra. What is mantra? Mantra like the god power. God power. Ils font aussi de la médecine naturelle, surtout par rapport aux morsures d'insectes, de serpents, avec des mantras, donc une manière spirituelle d'invoquer les dieux et de faire un nettoyage spirituel qui font que les gens ne doivent pas aller à l'hôpital une fois qu'ils sont passés dans leurs mains. No, which language speaking here? Separate language. Thar language the bolen Parsi ma. O ki bolay? Uena tha ki koy garo we language ta? Language matlab tha we bhasha ne kai bhasha koy. Thar bhasha in jip thar jogi aur alag tha bhasha bolo jogi to u hum jo hone je kon. Hum je kon bijo koy. Uen bhasha ne ki koy tha? Ya koy kon koy hal to be ऐसा मैं जोगी ना था यो है बीजो किया बात करे बासा बात करो थारी बासा नारी पारी हाँ पारी ना की हाँ नारी पारी मैं तो जो करो हुने क्यों नहीं भाव लैंग्वेज लाइक पारी व्हेन जिप्सी जिप्सी टॉकिंग एनी पीपल आर नॉट हिंदुस्तान That are own language from the secret language from the Gypsy people. Ils ont créé une langue secrète que personne ne peut comprendre, le Parja ou je sais plus comment ça s'appelle. Et donc, c'est une manière aussi de parler assez vite. Essaye de savoir le nom exact pour faire des recherches. The name of the language, you say? This is language Parsi. Parsi. Parsi. Parsi. Ok. Et que c'est une langue secrète inventée aussi pour qu'on ne les comprenne pas et que ça puisse rester entre eux. Et moi j'aurais une question. Philosophy of gypsies. What are the values, the important values of the philosophy of the education of the what are the point important for them? But that people have no any. No, but ask him. Tharo ki missile, machine ki hai. Thari jo machine wahi karen thana hume je. Qui t'aude, t'aude, t'aude, qui boudin, qui t'aude, qui carré. Il dit que pour vouloir les aider, les gouvernements et les villages leur donnent l'aide d'aller à l'école. Que lui dit c'est peut-être bien d'aller à l'école, mais qu'en même temps ils n'y ont jamais été et que ça ne les a jamais vraiment manqué de le faire. Donc pour lui, ce ne serait pas une valeur si importante. Parce que je ne crois pas qu'il a compris ma question de départ. But my question was peut-être qu'est-ce qui est important I know. Valeur. You know, for example, I am the father, I have children, and I have some values I want that my children have also. Not value from exterior, not value from, but your own education. What it's important. You know what it's the good and the not good. You know what are the. एक एक थारी बेलू थाना की चाइजे की चाइजे धन की वे ताली ताली ताली कुसी में तांदे दिल हाँ की वे तो तांदे ली ठीक रे जमीन आता है नहीं यो मैं जमीन आता है तो साब मेरे को मैं इसमें ये बांवन बाजरी वे को धान पके हमजो बिजो कहीं कोन धनन को दापो कहीं कोन मालकान यो यो जमीन आता है तो वापस भी जाऊँ बस He said he's feeling like these things. He want to find land. You know, land of farming. He want to find the farming. Then every time rain coming, he want to grow any food, growing things, and he want to eat from like that. Pour eux, ils disent l'important maintenant, c'est de pouvoir obtenir des terres pour cultiver. C'est pas tellement d'aller à l'école ou de vouloir trouver des boulots, mais plutôt de pouvoir subvenir à leurs propres besoins par eux-mêmes. Je crois qu'on s'est toujours pas compris, mais je vais pas insister pendant 10 000 ans, je pense. C'est ce qui est important en même temps. Tu regardes par terre là ? Je vois un scarabée qui est en train de déplacer une crotte de chameau. Ça me fascine toujours autant. Okay. T'as encore une question toi ? Mais une dernière. Last question, the next question, ok ? C'est la maman elle là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux lui poser comme question ? C'est elle la femme quoi. It's your wife ? Yeah. Wife ? Yeah. Yeah. Ah, okay. He's a husband and she's wife and that are all family from him. Okay. Like blonde of to some are like that are all family from his. Okay. Like six son he have to get married then have to wife and then children will get grow. Every have to gypsy people have to children 7 or 8, 5, 6 people like this. People will make more children like to make okay. big families. Anything else? Okay. Et alors ta question vas-y. Mais c'est voilà, c'est la question, c'est on raconte que les gens du voyage, bon ben en gros, ils sont mal vus de partout en Europe là, et que l'origine quand on fait une recherche, ces gens qui n'arrêtent pas de voyager, qui ont une vie entre guillemets difficile, ils viennent tous de l'Inde et que il s'est passé quelque chose en Inde qui fait qu'à un moment donné, ils ont dû prendre le large quoi. Ok. Hingi betha hai bahar desh mein harit gai pehla gaya ke thon. Gaya ke thon. Il dit que depuis ce que l'histoire de son grand-père, grand-père, grand-père, arrière-grand-père raconte, c'est que tous les gitans au départ vivaient dans un même endroit qui s'appelle Gujarat, qu'à un moment donné, effectivement, ils ont commencé à se répandre un peu partout en Inde déjà et puis ailleurs, mais qu'ils ne connaissent pas l'événement qui a créé ça. J'ai demandé, mais vous ne croyez pas qu'ils ont tout simplement été chassés de leur terre et qu'ils ont dû du coup commencer à être condamnés au nomadisme, etc. Et il dit que non, à ce qu'ils savent eux, il n'y a jamais eu un événement qui a fait que les gitans ont été chassés de leur terre. Voilà, et donc à un moment donné, c'est plutôt par famine, parce qu'il n'y avait plus assez de ressources naturelles à cet endroit-là qu'ils ont dû bouger de cette terre eux-mêmes. Near of Udaipur, or Gujarat. People are moved from there and then going to from all of birds. He said like his grandfather to grandfather, grandfather to grandfather, he's are coming to live there, but he's not sure like people when are born, someone why people are go there. He said that are no anybody know about what happened, people are go there. Sometimes he said somebody want to feel to go outside and people are working there, people find a good place and then people want to live there. Want to change like this, no any big problem or something. Not because we take off of the earth, for example, gypsies were in Gujarat. Yeah. And Gujarat. People say you don't have to be there anymore and out. Nobody say like this. No? Nobody say like this, but sometimes people have no any job there, then people want to move. Like people are coming to here, people like to this place, then people want to live here. People are go to France, people like to France, people want to live like this. Okay. But no any problem, nobody are make to kick out or nobody are make to move someone. En gros, ils vont vivre où ils trouvent de la nourriture et que comme on est dans une terre désertique, quand il y a des périodes où il y a eu des grandes sécheresses qui ont fait que beaucoup de gens, de toute façon, se sont mis à bouger pour pouvoir trouver leur nourriture ou du boulot aussi, dans certains cas. And gypsy people who are live to any villages, people don't mind. That people are live to some next village from the near, any people are live there, nobody say, oh, you move from here. People, everybody like to gypsy, people are live near of the villages. Il dit qu'ici, en tout cas, il n'y a pas de problème de vouloir chasser les gitans, de leur dire « vous n'allez pas rester ici ». Il n'y a pas ça, quoi. Il n'y a pas de... qu'en gros, on les laisse vivre leur vie, que oui, ils étaient plutôt nomades et que maintenant, ils sédentarisent, mais qu'il n'y a pas un problème. Ils n'ont pas vraiment de terre, quoi. C'est ça le souci, quand même. C'est que c'est pas... voilà. Il leur manque... et ils veulent pas... enfin, c'est ça qui les intéresse, quoi, pouvoir... Okay. Une dernière phrase qu'ils ont envie de dire peut-être aux gens qui vont entendre, aux autres gens du voyage, aux autres... Alors, say them, all the people like gypsies, because in Europe we say not gypsies, we say also people of the travel. It's the name, people of the travel is the second name of gypsies. For the other gypsies listening to that, can he say a sentence, and last sentence for the people listening to him? Yeah, what do you want to say? No. Him? Yeah. Can he make a last sentence for the people, for all the gypsies in the world listening to him? But here, yeah. Okay. Here's called caste name Jogi. Not Hindi. I not say like gypsy. This caste name like Jogi. Jogi. Nath. Always. Nath. Table. On ne dit pas des gitans ici, non. Okay. Des yogis, des nath, quoi. Okay. C'est ça le nom. Table. Jogi Nath, on Babaji. हाथ पीढ़िया में एक मैं हम यो ने पूछा तो कह गया गाँव जो नाथ है समझो हम बीह गया गाँव गाँव बीह गया टमाटर शरण बीह गया गाँव गाँव बिठा रहा है like Nath, call to Nath, but he now live from everywhere and people say that as call to from our Nath. Nath mean like you know, like God of the peoples, and people are really like leave his grandfather to like when starting from the Nath, Jogi Nath, like any Rana Nath. Yeah. His name Rana, but big caste name Nath. Then he's writing like Rana, second Nath. Oui, le nom Nath. De Nath vient du père fondateur de la case. D'ailleurs, lui s'appelle Rana Nath. parce que Nat, c'est vraiment le père de tous les gitans. Voilà, c'est ça que ça signifie. But a last sentence for the public, for the person listening to him, last sentence. Okay? What do you want to say? Not just him, what he want. जो कोई था ना कहना जो को बोलो ये मैं क्या कौन सा मैं तो हमें जो बेच गया हम जो हम जिम्मी नहीं जागरी है या कोई जिम्मी है कौन बाबू जी अदमाते खेत में बाबू खेत बाबू अदमाते खेती बाबू पिन खाते हैं मोंग नहीं खाते रोटी हम जो बिल्कुल कौन सा कोई इतने आटो है कोई भागने ना को अब फेरी दौड़ा है कोई रोटी है बच्चा आए गए बीजे माँ मुझे मंजूरी हुई है कौन है काकी तो देखती कौन है दिख रहा दिखरा आप अपने घर रात धनी भाव यहाँ में बरादरी मारे जो जो गियरी है ये बच्ची अन्य ना भुना वे ना बिजुड़ा एक बारा कोई खेत बीत बाहर सरकार में को okay now I don't understand yes yeah. Can you translate he said like this just I want to live like these things and our lives are good I want to just like to go any farming working like that things I want to happy from that things I will really good I will the life to hear. Okay. Il dit pour lui, ce qui compte, c'est de vivre simplement, de faire pousser ses légumes, d'être en paix les uns avec les autres. Voilà, c'est ça les choses les plus importantes. Thank you very much. Shukriya. Shukriya. Non, Shukriya de Urdu. Dhanyavad. Dhanyavad. Dhanyavad de Marwad. Dhanyavad. Hindi. Hindi. Dhanyavad. Voilà, et ici, rencontre avec le coursier Mozan à Namur. Donc, un gars comme ça qui n'arrête pas de circuler à bicyclette, on se demande ce qu'il fout. Et donc, voilà, rencontre. Vous pouvez aussi aller voir sur la toile www.facebook.com/livraison en vélo en Belgique. Alors cette page Facebook regroupe les livreurs cyclistes belges, Dioxyde de Gambette et Pédale Bruxelles à Bruxelles, le coursier Mozan à Namur ou encore le porte-paquet à Liège. Ces livreurs écolos au mollet d'acier transportent colis jusqu'à 100 kg et plateaux repas aux particuliers comme aux entreprises. Très efficace dans les centres-villes, ce mode de livraison se développe partout dans le monde. Rencontre. Allez, voilà, c'est parti. Ici, on fait une rencontre. Le courrier Mozan. Qu'est-ce le courrier Mozan et comment c'est né tout ça? Enfin, voilà, peut-être présentation. On est ici à Namur, d'abord, près de la place d'Armes. Et ouais, alors, donc en plein centre de la ville. Et donc, le coursier Mozan, ça pourrait être synonyme, mais c'est le nom que j'ai choisi, c'est coursier. Donc ça évoque un service de livraison à vélo. Donc moi c'est Jérôme. Et c'est un service de livraison qui a démarré à Namur, que j'ai l'occasion de proposer à des entreprises, à des institutions, à des associations ou même à des particuliers, des livraisons à vélo, de marchandises qui peuvent aller jusque 100 kg. Ça c'est le principe de base. Comment c'est né? Moi c'est une idée que j'avais en tête depuis un moment. Parce que ça fait 5-6 ans que je travaille à Namur, que j'habite à Namur, que j'ai pas de voiture personnelle et que je réalisais déjà tous mes déplacements à vélo et je transportais mes courses et autres choses à transporter avec une remorque derrière mon vélo. Et donc ça fait en fait déjà très longtemps que j'emmène 100 kg, parfois plus, derrière un vélo. Et donc est venue un jour l'idée d'en proposer un service de manière professionnelle et d'essayer de voir si c'était une activité dont je pouvais vivre, aussi par goût, moi, d'une activité d'extérieur, d'une activité plus physique par rapport au métier que je faisais avant. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré, en fait, l'activité en collaboration avec une couveuse entreprise. Et donc ça, c'est le dispositif qui est mis en place par la région Wallonne pour soutenir les projets qui démarrent et qui peuvent ainsi être testés. Donc ça fait 9 mois que je teste l'activité, mais sans encore avoir le statut d'indépendant. Et donc c'est ça qui me permet de tenir entre guillemets la distance les premiers mois où j'ai pas des masses de clients, donc pas des masses de rentrées, j'aurais du mal à assumer mes charges et encore plus de mal à me payer. Et donc ce dispositif me permet de garder mes allocations de chômage tout en testant le service comme si j'étais déjà indépendant. Et ça en est où alors après 9 mois? N'hésite pas, hein. Écoute si tu as des questions à poser. Ça en est où alors après ces 9 mois là? Puisque si je comprends bien, c'est un peu comme travailler avec un filet, quoi. Exactement. Donc, on arrive tout doucement à une période où on doit analyser qu'est-ce que j'ai pour le moment comme travail, qu'est-ce que j'ai comme client fixe, qu'est-ce que ça me ramène comme volume de travail et donc comme argent, et de simuler si je me mets comme indépendant complet, est-ce que je peux espérer d'en vivre ou pas. Et alors, c'est ni oui ni non. C'est encourageant dans le sens où j'ai une série de clients fixes qui sont très contents du service, que les heures que je pédale, disons que mon tarif me permet de me payer correctement, mais que j'ai pas encore assez d'heures de rouler en fait. Et donc, d'heures sur mon vélo. D'heures rouler, ça veut dire quoi? Je veux dire par là des heures que je passe sur mon vélo en train de livrer, pour lesquelles je me fais payer. Parce qu'il y a toute une partie d'heures que je vais appeler non rouler, c'est toutes les heures. Que je passe elles vont être incluses dans le tarif, c'est plus des heures que je passe à contacter des gens pour voir s'ils veulent de mes services en fait. Et donc c'est une grosse partie du boulot quand on lance une entreprise, n'importe quel projet, il faut passer une grosse partie du temps au début à essayer de vendre son projet quoi. Ici si je reste à côté de mon téléphone à attendre que les clients m'appellent, c'est pas encore assez connu et donc il faut prendre son téléphone, aller rencontrer des gens et essayer de deviner un petit peu qui pourrait avoir besoin de moi. Et c'est comme ça que j'ai obtenu tous mes clients. Et donc, ça prend une bonne partie du temps. Mais c'est ce temps-là, forcément, il ne me rapporte rien, vu que c'est du temps que je passe à chercher mes clients. Et donc là, pour le moment, grosso modo, je vais dire, j'ai plus ou moins la moitié de ce qu'il me faudrait pour pouvoir en vivre. Et donc, je vais continuer l'activité, donc prendre le statut d'indépendant. Probablement qu'au début, pour avoir des revenus personnels suffisants, je vais devoir en parallèle trouver d'autres jobs. Soit comme indépendant, des prestations comme indépendant, soit peut-être un temps partiel ailleurs. Et voilà. Et vous serez alors indépendant complémentaire à ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est une bonne solution aussi pour une activité qui démarre, c'est le statut d'indépendant complémentaire. Il est moins lourd à assumer. Et puis surtout, il permet d'avoir un job à côté qui t'assure suffisamment de revenus pour vivre, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est dommage quand même que ton initiative et ton idée, là, que tu ne puisses pas en vivre pleinement, quoi. En gros, je sais que c'est peut-être domaine privé, mais quoi, t'as combien de clients et en gros, tu gagnes combien? Comme ça, concrètement, cash, pour se faire une idée de la vie et des sous, etc. Ouais. J'ai pas encore les calculs exacts. Mais l'un dans l'autre, si je me lançais comme indépendant, je devrais peut-être pouvoir égaler les 600 euros que je touche au chômage pour le moment, quoi. Et donc, ça reste aussi un choix personnel de se dire, j'essaye quand même de vivre avec ça, ou j'estime que j'ai besoin de plus, et donc je partage le temps comme j'ai décidé. Ce qu'il y a, c'est que c'est dommage et en même temps, c'est normal qu'après un an, c'est pas encore vivable, quoi. Pour n'importe quel projet, on dit toujours il faut minimum 2-3 ans pour dire que tu te sois fait suffisamment connaître, que tu commences à avoir suffisamment de travail pour que ça commence à rouler et que ça te ramène suffisamment d'argent. Donc on le savait déjà un peu à l'avance qu'après un an, c'est pas après un an que j'allais pouvoir correctement en vivre. Mais disons qu'on arrive ici à 3 mois de l'échéance, moi pour pas mettre trop la pression non plus sur un projet qui démarre, je préfère me dire je vais trouver un complément à côté et laisser le temps au projet de grandir aussi tout doucement. Le temps qu'on voit le vélo pendant un an, deux ans, que les gens se disent tiens, ça fait déjà 2 ans qu'ils travaillent avec tel et tel client. Et donc, c'est que c'est sérieux, c'est que c'est fiable, c'est que ça tient la route. Et donc, c'est aussi après autant de temps qu'on gagne en crédibilité et que les gens vont te faire de plus en plus confiance. Et donc, ça viendra avec le temps. Donc, je veux dire, je m'y attendais un petit peu. C'est juste qu'ici, on arrive un peu au pied du mur et donc, il faut prendre des décisions. Mais c'est vrai que j'ai pas. La décision va être dure à choisir ou pas? Ici, c'est un ni oui ni non, dans le sens où je veux quand même continuer. Et je me dis que pour tenir le coup et me permettre de gagner suffisamment ma vie pour les 2 ans qui viennent, je vais compléter avec un temps partiel. Et donc, ce qui va être dur, c'est toujours combiner parce que j'aurai moins de temps forcément pour mon projet. Ici, l'avantage, ça a été que j'ai eu un an à temps plein sans devoir travailler ailleurs pour pouvoir lancer le projet. Ça, c'était un gros avantage. Ici, la difficulté, c'est que si j'ai un mi-temps ailleurs, ben, forcément, ça me fera moins de temps. Mais d'un autre côté, je pense que ça tient la route parce que l'année ici a permis déjà de faire connaître le vélo, de le rendre visible. On commence à savoir maintenant à Namur qu'il y a un livreur à vélo. Et puis donc ça va me permettre de gagner mes clients fixes et petit à petit d'en avoir de plus en plus, quoi. Je pense qu'il ne faut pas être pressé en fait. Et donc je préfère faire de cette manière-là. C'est quoi ce bazar? C'est une poule, un coq? Non, c'est sûrement pas une poule, mais c'est un coq. C'est quoi? Bon. C'est génial, on est en plein centre et il y a un coq qui... Je sais pas c'est quoi. C'est bien imité en tout cas. Donc voilà, je pense que... j'ai pas envie non plus de me mettre trop la pression pour absolument, tu vois, gagner ma vie vite avec ce projet-là. Ça aurait pas de sens, j'aurais beau danser sur ma tête, c'est pas ça qui va me faire arriver des clients du jour au lendemain. Et donc on scinde les deux, d'un côté, ben voilà, je fais un petit complément pour gagner ma vie correctement. Et d'un autre côté, le projet, il est bien lancé et on va le laisser continuer. Et je suis persuadé que d'ici 2-3 ans, on peut en reparler et que... voilà, on pourra déjà voir les choses de manière beaucoup plus sereine parce que il y aura déjà plus de clients et moi j'espère à terme pouvoir travailler avec d'autres personnes parce que même sur une ville comme Namur qui n'est pas une grosse ville, je suis sûr qu'il y a du travail pour plusieurs livreurs à vélo parce qu'il y a vraiment plein de choses qui traversent la ville et ça reste un centre-ville où il y a des problèmes de parking, où il y a des problèmes de circulation et donc un vélo de transport va avoir plein d'avantages en fait. Et c'est bien parce que vous pouvez aussi livrer dans le piétonnier et tout ça, à vélo, c'est plus facile qu'en voiture. Ça c'est clair. Et Namur a cet avantage-là en plus, c'est que c'est une ville qui a quand même une grande zone piétonne. Et le centre-ville devient de plus en plus difficilement accessible pour les voitures. Et donc le vélo de transport aura de plus en plus d'avantages avec le temps. Et ici, ben justement, je suis en train de livrer pour les cafés de là-haut. C'est un de mes contrats fixes pour le moment, c'est que tous les mardis après-midi, j'ai entre 10 et 15 livraisons. De café pour tout le RECA du centre-ville. Et donc, ils m'ont vraiment délégué toute la zone piétonne, toute la zone qui était difficilement accessible avec leur camionnette. Et donc, c'est vraiment un des beaux exemples où le vélo permet justement. Je ne dois pas abaisser les plots du piétonnier, je peux m'arrêter directement devant le magasin, je décharge ma caisse, je repars, je ne dois jamais chercher à me garer. Et donc, ça fait gagner beaucoup de temps par rapport à une camionnette, c'est clair. C'est une géniale idée, quoi, de faire comme ça, livreur. Coursier, comme on dit, en vélo, c'est super. Mais comment tu t'y prends, en fait? Parce que je suppose que ça peut être intéressant aussi d'aller sur des sentiers que tu n'avais pas imaginé. Parce que j'ai vu il y avait aussi des associations, des choses comme ça. C'est quel genre d'association, par exemple? Et comment tu te présentes pour dire, voilà, j'aimerais travailler avec vous? Ben, c'est vrai qu'au moment où j'ai lancé le projet... J'avais déjà une série d'idées de clients potentiels, de gens que je pouvais aller voir pour leur demander, pour leur proposer de travailler, qu'on travaille ensemble. Mais c'est vrai que depuis que j'ai démarré, de parler avec des gens, de rencontrer des gens en rue, de gens en rue qui voient mon vélo en rue, il y a des nouvelles idées qui sont apparues. Et donc ici, ben, j'essaye principalement de trouver des entreprises ou des institutions, en tout cas des professionnels de manière générale qui ont des besoins réguliers. Comme ici, c'est toutes les semaines, le mardi, je livre pour les cafés de là-haut. Et donc ça me permet moi de planifier les choses et de petit à petit avoir un volume de travail sûr. Et après viennent s'ajouter des livraisons où on m'appelle plus pour le lendemain au coup par coup. Et donc ici pour le moment ce que je fais c'est démarcher des entreprises comme les cafés de là-haut avec qui on travaille. Et donc c'est un travail de longue haleine parce que pour le moment comme c'est pas encore très connu, comme j'ai dit, les gens ne viennent pas encore vers moi, donc c'est vraiment chaque fois à moi aller trouver les gens, présenter ce que je fais et leur montrer pourquoi ça pourrait être un avantage pour eux de travailler ensemble, et leur proposer de tester l'activité et éventuellement de continuer. Et donc... Ça demande beaucoup de boulot, tout ça, enfin de recherche, d'investigation et tout ça. Oui, c'est quoi tes horaires aussi sur la semaine, par exemple? Est-ce que tu es obligé de travailler comme un fou ou pas du tout? Ici, je suis encore dans une situation confortable où je vais dire j'ai peut-être un tiers de ma semaine qui est occupé avec les livraisons, donc il me reste encore pas mal de temps pour trouver des clients. Mais c'est vrai que plus j'ai de clients, moins j'ai de temps pour la partie bureau du travail. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça prend beaucoup de temps. Et le principal du travail, finalement, pour le moment, c'est pas pédaler, c'est vraiment d'abord toute la partie communication, recherche de clients, c'est tout ça qui prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand on commence une activité, quelle qu'elle soit, j'ai déjà parlé aussi avec pas mal de gens qui sont artistes et tout ça, si on veut en vivre à un moment donné, il faut passer par l'étape. Il faut un peu se vendre, il faut vendre le service qu'on a, il faut vendre le produit qu'on a, il faut vendre son art, il faut vendre quelque chose. Ça passe par ça, quoi. Ça passe par contacter des gens, discuter, présenter ce qu'on fait et essayer de se vendre. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, parfois quand on se lance, auquel on ne s'attend pas. Mais c'est sûr, c'est que pour le moment, je veux dire, le plus gros de mes soucis, c'est pas de pédaler, quoi. Je veux dire, les livraisons, le système, il est au point. Le vélo, il peut emmener 100 kilos, je le maîtrise, ça passe dans le trafic. J'ai jamais de problème de timing, quel que soit le trafic, je vais passer entre les voitures, donc ça c'est au point. Mais c'est vrai qu'il faut convaincre les gens pour le moment de ça et convaincre des entreprises et des professionnels que c'est un système fiable. Parce que pour le moment, le vélo, c'est pas encore associé forcément à quelque chose de très sérieux. Ça reste dans la tête des gens un loisir, mais de là à ce que ce soit utilisé comme moyen de transport pour des livraisons, il faudra encore du temps, quoi. Et donc comment on s'organise mon horaire, tu demandais ? Ben là, pour le moment, il s'articule complètement autour des contrats que j'ai, quoi. Donc le lundi est une journée, pour le moment, où j'ai pas de contrat fixe, donc c'est une journée très libre, où je peux me consacrer à toute une série de tâches de bureau, d'administratif, de faire les factures, de préparer des courriers, de téléphoner à des gens. Le mardi est une journée hyper remplie, dans le sens où c'est le jour où j'ai la tournée pour les cafés de là-haut. Et après les cafés de là-haut, je livre aussi maintenant des paniers de légumes à domicile. Donc c'est un partenariat avec un maraîcher qui propose des légumes de saison. Et pour les gens qui ne savent pas aller les chercher, il les propose à domicile. Donc on a mis en place une petite tournée qui grandit tout doucement de paniers à domicile. Et les autres jours, c'est plus variable. Le mercredi et le jeudi, j'ai deux livraisons fixes pour une boulangerie où je monte 50 kg de pain vers un magasin de revente. Donc ça fait un de mes autres clients fixes. Le vendredi, c'est pour un magasin d'alimentation bio qui aussi propose des livraisons à domicile chez des clients. Et donc, ça prend une partie de mon vendredi. Et mon vendredi après-midi, il est toujours consacré au marché de la plante, qui est un petit marché en fait à la sortie de Namur. Et là, je propose un truc qui n'a pas trop à voir avec les livraisons. C'était aussi un peu pour le plaisir. C'est qu'en fait, j'ai adapté une table sur le vélo. Et donc je vais au marché en proposant des bières artisanales et locales, principalement de la région de Dinan. Et donc là je suis barman pendant le marché du vendredi après-midi. Et j'avoue que c'est une autre manière de faire voir le vélo, c'est une autre manière de rencontrer les gens, d'être sur le marché. Et c'est un temps qui est très agréable parce qu'on est au contact, on peut discuter, c'est un moment que j'aime beaucoup, quoi. Et vous faites que dans le Namurois ou aussi les alentours, genre Jambes, Saldines, Saint-Servais, tout ça? Alors ça a été une des grosses questions quand j'ai conçu le projet, c'est de délimiter la zone d'activité. Ça, c'était pas évident. Elle est toujours un peu en questionnement. Mais moi, je me suis arrêté pour le moment à proposer des livraisons jusqu'à 4 km du centre, en fait. Et donc, ça va reprendre tous les alentours de Namur. Donc, il y a Namur, La Corbeille, évidemment. Mais puis, ça va inclure Baumel, Jambes, Salzine, Belgrade, Saint-Servais, en montant plus ou moins haut. En gros, je vais me limiter à 4 km, donc ça va être au contrôle technique à Belgrade, ça va être à l'entrée d'autoroute à Champion, ça va être au début de la Nationale 4 à Herpan. Donc c'est vraiment, Namur est quand même une belle partie de la périphérie. Je me rends compte que ce qui n'est pas évident, c'est que aller jusqu'au bout de ma zone, ça me prend plus de temps. Et que donc, pour le moment, le tarif de la zone C, j'ai divisé ma zone en trois zones. Je pourrais montrer le prospectus. La zone C, le tarif, il est pas suffisamment élevé. Parce que ça me prend beaucoup de temps d'aller et de revenir au centre de ma zone. Et donc là, c'est un peu limite. C'est limite rentable d'aller là-bas. Ce qui est intéressant pour le moment, c'est qu'il y a quand même la plupart du boulot. C'est dans la zone plate, Namur, Jambes, Salzine. Et donc là, c'est zone A, voire zone B. Et donc finalement, c'est là qu'il y a beaucoup de boulot. Parce que c'est là qu'il se passe beaucoup de choses aussi. Et donc ça c'est un avantage pour moi par rapport par exemple à mon collègue de Bruxelles qui lui couvre les 19 communes de Bruxelles. Et donc à Namur, je ne saurais pas avoir des distances comme il a lui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans un périmètre très réduit. Et quoi, il couvre les 19 communes, mais je vais aller le rencontrer ce monsieur. Hein. Pas tout seul évidemment. Damien, lui, ça fait, je pense, maintenant presque 3 ans je pense, qu'il est démarré comme indépendant. Et donc il est plus loin que moi dans le sens où il est déjà connu, il a déjà plus de volume d'activité. Et donc là, il commence à collaborer avec soit des étudiants, soit des indépendants complémentaires pour les jours où il a beaucoup de courses, quoi. Et donc il commence à mettre en place des collaborations avec plusieurs personnes. Et donc effectivement, lui, il est plus tout seul. Voilà, là où il en est, quoi. Et alors, par exemple, si des gens vous demandent d'aller faire leurs courses et tout ça, ça va aussi ou c'est juste pour les entreprises ? Alors la question est bonne. C'est vrai que c'est, j'ai dit que c'était principalement pour des entreprises parce que moi, ça m'intéresse pour le moment d'avoir un accord. On se rencontre une fois, on discute. Les propriétaires des cafés de là-haut étaient intéressés par mes services. On s'est mis d'accord sur une manière de travailler. Et donc, une fois pour toutes, le truc il est conclu. Et toutes les semaines, je me présente là-bas et ça roule, quoi. Et donc, ça demande moins de contact que des particuliers. Les particuliers, ça va être des courses, ça va être moins régulier. Ça va être plus du coup par coup. Mais je le propose aussi parce qu'il y a pas mal de demandes. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et que c'est un service très intéressant à rendre dans une ville. C'est justement... Voilà. Notamment pour les personnes âgées et tout ça. Tout à fait. Et c'est les premières personnes qui m'ont appelé, en fait, quand ils ont entendu parler de mon service. C'est des gens qui étaient intéressés par se faire livrer les courses du grand magasin à domicile. Et donc, c'est des choses qui prennent plus de temps à mettre en place. Donc, on le fait pour le moment, mais c'est pas encore là-dessus que je fais ma promotion parce que pour le moment, je cherche d'abord de la régularité. Mais c'est sûr que si on m'appelle, je le fais avec plaisir. C'est comme ça que pour un habitat groupé de personnes âgées ici sur Namur, toutes les trois semaines, je vais chercher leurs courses depuis une grande surface et on a trouvé un système qui commence à rouler. Et donc ça permet de se tester aussi. Et donc c'est principalement les courses des grands magasins. Mais je pense que ça pourrait être intéressant aussi. On en discute avec la ville de Namur parce qu'il y a beaucoup de collaborations possibles avec la ville qui pourrait aussi être intéressée par mettre en place des services à destination des aînés ou des personnes qui présentent un handicap. Mais il y a l'exemple de la bibliothèque publique qui a un projet de proposer des livres au domicile de personnes qui ne peuvent plus se rendre à la bibliothèque. Et donc ça, on est en train d'étudier la possibilité de le faire avec mon vélo, parce que c'est tout à fait quelque chose qui pourrait correspondre à ce que je peux faire. Mais alors, il faut le temps de voir un petit peu comment on le met en place, le coût que ça a et tout ça. Mais je suis sûr que c'est quelque chose qui va surgir avec la ville de Namur, c'est ce genre de collaboration. En fait, au bout du bout, tout ça, cette initiative est géniale, mais c'est quoi le moteur, c'est quoi la philosophie derrière ça? Et aussi, combien tu demandes pour une course? Le moteur, donc ce qui m'a fait démarrer vers ça, c'est clairement que j'étais en recherche d'un autre boulot. J'aime bien passer mes journées à l'extérieur. Il pleut pas si souvent que ça, en fait. Quand on fait du vélo tous les jours, on s'en rend compte que c'est extrêmement rare les jours où je rentre chez moi et je suis trempé au point de râler. En général, il y a une petite bruine comme aujourd'hui, mais on ne va jamais être mouillé, quoi. Ça va rafraîchir. Quand on fait du vélo, même s'il fait moins 10, on n'a pas froid, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, je veux dire, moi, c'est quelque chose que j'apprécie d'être à l'extérieur. Mais le moteur, c'est aussi que j'avais un emploi avant dans une ASBL qui fait de la sensibilisation à l'environnement. Et donc, de mon point de vue, il y a aussi une approche écologique. Il y a aussi un constat quand on passe en ville tous les jours et qu'on voit la manière dont les voitures peuvent bloquer pendant des heures et simplement être à l'arrêt et se déplacer en ville avec une moyenne de 10, 15, 20 à l'heure, on se dit qu'il y a quelque chose de pas logique. Ça coûte beaucoup d'argent à tout le monde, ça génère de la pollution, simplement la pollution au niveau de l'air, mais de la pollution sonore. Ça fait qu'on a un trafic qui est extrêmement dense, ce qui fait que les parents n'osent pas laisser leurs enfants aller en ville. Enfin, c'est un peu tout ça qui fait que je trouve pertinent pour une ville d'avoir ce genre de service. Et c'est quelque chose qui va se développer. On le voit sur Bruxelles, on le voit sur d'autres villes européennes. Je pense que c'est la suite logique d'arriver à la saturation du trafic, sans parler du coût du pétrole qui augmente. Je veux dire, moi, le pétrole augmente, ça ne me coûte pas plus cher. Qu'un service de livraison motorisé, lui, il commence tous à appliquer des augmentations liées à l'augmentation du pétrole que... De mon point de vue, ça ne saurait pas arriver, quoi. Et donc, sur le long terme, je pense que c'est très pertinent à faire. Salut Christian. Et donc, c'est vrai que j'ai une approche qui est aussi écologique, quoi. Qui est aussi écologique, mais parce qu'on en arrive, avec cette manière-là, à proposer quelque chose, finalement, qui est plus efficace que ce qui est en place pour le moment. Mais voilà, ce qui est évident, c'est que c'est plus efficace. Mais est-ce que ça veut dire que tu travailles stressé? Parce que si, évidemment, tu mets en place un projet qui, évidemment, pour tout ce que tu dis, vaut la peine, mais si d'un autre côté, tu es aussi stressé, donc on garde toujours aussi le même « Ah, je suis stressé parce que… » Est-ce que cette notion-là rentre en ligne de compte dans ta manière de travailler ou pas? Oui. Après, ça reste, ça reste un problème, je pense, de chaque personne qui lance un projet ou une entreprise. C'est que le démarrage est quelque chose de passionnant, d'hyper stimulant, mais en même temps, il faut être au four et au moulin. Et en plus, tu as envie d'en vivre. Et donc, à un moment donné, c'est un autre apprentissage. Et c'est l'apprentissage de pouvoir gérer son temps, l'apprentissage de pouvoir faire son métier et s'organiser comme il faut pour justement ne pas générer trop de stress. Parce qu'effectivement, c'est pas du tout quelque chose que je recherche d'être hyper speed. Et, après, c'est un métier dynamique dans le sens où... Où les livraisons, on peut difficilement, on doit être un peu timing, dans le sens où je propose des livraisons efficaces, j'essaie de proposer un prix compétitif, il faut être réactif, on peut pas trop se poser, mais ça je trouve que c'est un stress, il y a des stress positifs quoi. Le stress négatif, ça va être celui qui te crée du souci par rapport au fait que tu as des horaires à rallonge, par rapport au fait que tu accumules de la fatigue et tout ça. Que le métier soit fatigant, que le métier soit dynamique, ça je pense qu'il peut y avoir du stress positif, moi ça me parle quoi. Je veux dire, tu as quand même le temps de causer un peu avec les gens, ou bien c'est pas le temps en avant, il faut tracer, le projet doit marcher, j'imagine un peu au début comme ça, puisque tu dois quand même prouver que ça marche, quoi, et donc tu dois être... Au début, c'est sûr que, comme surtout que j'ai pas encore des journées qui sont fort remplies et qu'il y a une bonne partie de mon temps qui passe en communication, en démarchage, je veux dire, c'est dans l'intérêt de tout le monde que je passe du temps à parler, et c'est très agréable pour le moment, c'est que... y a pas mal d'enthousiasme par rapport à ce projet, les gens dans la rue qui ont entendu parler, ils m'interpellent, je veux dire, par rapport à ça, donc j'ai beaucoup l'occasion de discuter et c'est fort agréable. C'est sûr qu'à un moment donné où ça commencera à tourner et où je devrais en vivre, si toutes les heures ou à chaque livraison je m'assieds 10 minutes pour causer, ça va s'en ressentir sur le travail que je peux faire en une journée. Et donc il faut trouver le juste milieu. L'idée c'est quand même de proposer aussi un service qui a une dimension humaine et conviviale. Et donc... Je pense donc que c'est aussi important de garder l'occasion d'avoir un lien avec les personnes et de pouvoir parler. Et de ne pas juste avoir une machine à livrer, quoi. C'est trouver le juste milieu, en fait. Et ça, c'est vrai qu'il faut toujours l'avoir en tête, je pense, pour pas partir sur des mauvaises habitudes ou sur quelque chose, comme tu dis, de trop mécanique. Parce que l'intérêt du métier, pour moi, c'est d'être en plein air, c'est d'avoir quelque chose de dynamique, mais c'est aussi le contact avec les gens. C'est une grosse partie du métier. J'aime bien parce que moi je vais au boulot en vélo. En fait, j'ai plusieurs mois maintenant que j'ai décidé aussi de prendre le vélo. Et je t'ai vu, je t'ai reconnu avec ton vélo, tu vois, parce qu'on peut pas te rater. Et tu traçais comme un malade, tu m'as dépassé en. Je dis putain, incroyable. Tu voulais poser une question ? Et. La météo, la neige et tout ça, ça te fait pas peur ? Le gel la neige. Mais non, quand tu auras 10 cm de neige sur la route, comment tu vas faire pour aller livrer? Quand tu auras du verglas et tout ça, c'est... C'est vrai que les conditions météo vont influencer les conditions de travail. Mais j'ai envie de dire, pas plus que les livreurs en voiture. Et donc c'est sûr que les jours où qu'on avait déjà passé les neiges, on a eu pas mal de neige quand même pendant une semaine là où ça avait bien gelé. On avait des gros tas de neige qui avaient gelé. Là, j'étais pas encore en livraison, donc j'ai pas vraiment pu le tester. Mais on a eu un peu du verglas pendant que j'ai démarré. Et ces jours-là, je vais dire, il va falloir adapter sa vitesse, il va falloir adapter sa manière de piloter le vélo. Je vais peut-être aller un peu moins vite. Mais l'avantage, c'est que c'est un service qui se passe en ville. Et donc, en général, la ville est la zone qui est le plus rapidement dégagée. Donc s'il y a de la neige et tout ça, c'est d'abord en ville que ça va disparaître, donc c'est à mon avantage. Les livreurs qui sont en voiture, ils doivent faire de la ville et en dehors de la ville, donc je pense qu'ils auront au moins autant de soucis que moi. Et donc il faut faire avec, en sachant aussi que ça reste des conditions extrêmes et c'est pas, on n'a pas pour le moment des hivers qui nous imposent des conditions pareilles qui vont poser des problèmes pour livrer à vélo pendant des mois et des mois. Ça va peut-être une semaine par hiver. Et donc cette semaine-là, faudra peut-être que je me lève plus tôt et que je termine plus tard et que voilà et que j'adapte un petit peu mon rythme de livraison. Ce sera peut-être des journées un peu plus longues, mais disons que je pense pas que ça bloquera les livraisons. Par rapport à la pluie, c'est souvent aussi un des préjugés qu'on a. Par rapport à l'hiver, je pense qu'il pleut pas plus souvent en hiver qu'en été. On a vu le mois de juillet. C'est le mois le plus pluvieux en Belgique depuis longtemps, c'est le mois de juillet. Et encore une fois, qu'on est dehors tous les jours. Aujourd'hui il fait gris, mais je me suis pas fait mouiller. Alors que la plupart des gens aujourd'hui vont retenir que c'était une journée de merde. Il pleuvait, mes cheveux ils ont crôlé. C'est clair, mais voilà, du point de vue d'un livreur, c'était pas au point de. J'ai dû couvrir un peu ma marchandise, mais c'était pas impossible de livrer quoi. Et donc ces journées-là, il va y en avoir peut-être une par mois où je vais devoir vraiment m'arrêter pendant que je suis en train de faire une livraison parce qu'il pleut à seaux. Mais c'est pas si souvent que ça qu'il pleut de manière à ce que ce soit gênant en Belgique. Il paraît ça, j'ai déjà entendu ça. Mais alors la course, elle est à combien là, voilà. Pour voir comment, si toi tu peux l'appeler aussi moi, si c'est réalisable. Je suppose qu'une association, une institution, c'est différent. Mais par exemple, si voilà, tout un chacun, il se dit, ah ce gars-là, allez, combien la course? Bah, la course de base dans le centre-ville, elle est à 8 euros. Et donc, ça a un prix en dessous duquel c'est difficile de descendre parce que même si je transporte quelque chose qui ne pèse pas très lourd et quelque chose qui ne vaut pas cher, le temps de la livraison, il va être grosso modo le même. Et donc, il y a un minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre. Ce qui fait que la personne qui veut m'envoyer chercher son pain, bah, évidemment, ça augmente le prix du pain de manière incroyable. Et ça, c'est inévitable. Mais voilà, donc il y a certaines choses qui sont presque pas possibles à livrer ou alors il faut être prêt à mettre beaucoup d'argent en plus. Et donc, ça, c'est difficile à payer pour un pain. Mais on va considérer des courses au Colruyt. Ben voilà, là, c'est des personnes qui se mettent ensemble. La livraison depuis le Colruyt va coûter environ entre 15 et 20 euros selon le poids qu'on ramène. Parce que le tarif va varier en fonction du poids et aussi en fonction de la distance, quoi. Donc 8 euros, je dis, normalement, c'est pour un colis de moins de 10 kilos. Mais quand on me fait ramener 100 kilos du Colruyt, ben voilà, ça va tourner autour de 20 euros. Avec des petits services complémentaires, ben les gens à qui je ramène les courses, je leur propose aussi dans la foulée d'emmener leur verre pour mettre à la bulle, tu vois. C'est essayer de trouver un peu des services combinés comme ça. Et en sachant que ça dépend aussi, ben, les ramener les courses du grand magasin, ben, moi je propose aussi de les monter à l'étage. Donc je veux dire, il y a porte à porte, mais il y a aussi le fait de s'arrêter. Et on peut, j'essaye de proposer un service sur mesure qui va vraiment arranger les gens aussi. Si je dépose les courses du Colruyt sur le trottoir, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc moi, il faut que j'arrive à la fin à avoir un tarif ben, qui me permet de me payer mon heure de travail, inévitablement, sinon je ne saurais pas en vivre. Et donc, pour le moment, j'ai un tarif qui va varier. Donc, il part de 8 euros et puis en fonction de la distance, ça va augmenter. En fonction du poids, ça va augmenter. Et puis, il y a tous les sur-mesures, quoi. Et donc, pour le moment, c'est dans la phase de test. J'essaye de voir à chaque fois de trouver un tarif le plus avantageux pour le client, mais qui me paye. Vite, qu'est-ce que tu aurais à dire comme ça aux jeunes bah, puisque, voilà, c'est à tous les jeunes qui sont là, parce qu'on ne les voit pas, on a la radio. Comme ça, qu'est-ce que tu auras à leur dire, puisque c'est un peu le sujet aussi de cette rencontre, c'est de t'entendre. Voilà, toi, tu as sûrement des choses à penser, mais on en parlera après. Qu'est-ce que tu auras à leur dire? Je pense que ça reste très riche quand on a une idée de se donner les moyens et mettre de l'énergie pour essayer de la réaliser. Ne pas être défaitiste, quoi. C'est clair que pour lancer un projet, une entreprise, une activité professionnelle qui sort du commun, une idée un peu originale, il faut s'armer de patience et il faut surtout se forger un moral d'acier pour pouvoir expliquer son idée, pour pouvoir faire passer sa motivation et il faut se donner suffisamment de temps et il faut vraiment se préparer à. C'est plein d'embûches, hein, c'est plein de trucs qui sont compliqués. Et donc, je pense que quand on a une idée, c'est important de mettre de l'énergie pour la réaliser et surtout de se préparer à se donner du mal. Mais c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine parce qu'une fois que ça commence à tourner, une fois qu'on voit que l'idée elle est devenue plus qu'une idée, c'est quelque chose qui est très stimulant et ça amène beaucoup de satisfaction personnelle. En plus de proposer, d'arriver à faire une activité qu'on aime. De base, quand on a une idée, c'est ça. Et donc, ce que j'aurais à dire, c'est ça. C'est que ça vaut toujours la peine de suivre ses idées, mais surtout qu'il faut les suivre suffisamment longtemps pour leur permettre de fleurir, en fait. Si après 6 mois ou après 1 an, comme moi, j'arrête tout, ça pourrait être ma décision. Hein. Maintenant, après 1 mois, après 1 an, je veux dire, j'ai essayé. Bon, c'est dur, je gagne encore pas des masses. je passe quand même plus de 40 heures semaine à ce truc-là, c'est quand même pas juste. Ça pourrait être une décision que je prends. Mais quelque part, ce serait dommage parce que y a déjà une bonne partie du chemin qui a été fait et que ça vaut la peine d'aller plus loin, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Et donc, je pense qu'il faut se préparer à aller jusqu'au bout et à se faire un peu mal pour que l'idée, elle puisse se concrétiser. Et alors, je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que ça passe parfois par des procédures un peu scolaires et un peu bureaucratiques, qu'il faut se farcir, surtout si ce n'est pas son truc, mais qu'il y a énormément de structures en place qui sont là pour aider les gens qui ont des idées et voilà, et que ça peut donner des moyens pour réaliser les premiers investissements, pour être entouré de gens qui vont donner les bons conseils. Et donc voilà, c'est des choses dans lesquelles il faut rentrer, c'est des choses dans lesquelles on va se mettre dans une situation où on va être obligé de rendre des comptes parce qu'on nous prête de l'argent, on nous prête des moyens, mais que c'est des choses qui existent et qui peuvent permettre d'avancer peut-être plus rapidement que si on commence tout seul à se dire on n'a pas trop envie d'écouter les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont là avec de l'expérience pour nous permettre de ne pas réaliser les erreurs de débutants qui vont nous faire gagner beaucoup de temps. Et moi, c'est vrai que j'en ai bénéficié via un système comme la couveuse entreprise. Et donc, je pense que même si parfois c'est un peu démoralisant de voir tout ce qu'il faut faire pour avoir ce genre d'aide, je pense que ça vaut la peine de persévérer aussi dans cette voie-là pour lancer ces projets. Bah merci à toi et bonne chance. Merci beaucoup. Merci de la rencontre.